deuxième temps de notre série sur les ports et sur les espaces portuaires dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, une balade sonore à Lorient. Il y a 350 ans environ, naissait une ville en France, Lorient, fondée en 1666. En 1668, il y a 3 siècles et demi, elle était en train de devenir un chantier énorme, un chantier urbain ouvert sur le monde entier. Elle était le siège de la Compagnie française pour le commerce des Indes orientales et à ce titre, elle allait devenir la tête de réseau des comptoirs français dans l'océan Indien et ce que des historiens appelleraient plus tard le coffre-fort du luxe français. C'est de là que venaient les cotonnades indiennes, les porcelaines de Chine ou du Japon et les épices de toute l'Asie, mais aussi venaient des esclaves. Dans cette série sur le port, sur les ports, nous partons ce matin pour l'Ouest, mais aussi pour l'Orient, avec la promenade sonore proposée par Séverine Attard et réalisée par Séverine Cassard, avec Gérard Le Bouédec et Brigitte Nicolas à Lorient. Lorient, ville-port mondial de la Compagnie des Indes. Discours d'un fidèle sujet du roi touchant l'établissement d'une compagnie française pour le commerce des Indes orientales adressé à tous les Français. S'il est de la grandeur d'un État que les peuples s'appliquent aux exercices militaires pour résister aux entreprises des étrangers, il n'est pas moins de son utilité qu'il s'adonne au commerce pour aller chercher dans les parties du monde les plus éloignées ce qui peut contribuer au bonheur ou à l'ornement de leur pays. Et de fait, cette occupation accomplit toute seule les deux choses que les grands politiques désirent le plus. Je veux dire qu'elle retire les hommes de l'oisiveté, les endurcit à la fatigue et en même temps les comble d'honneur et de bien. François Charpentier, Paris, 1664. Gérard Le Bouédec, bonjour, vous êtes professeur émérite, historien spécialiste d'histoire maritime à l'Université Bretagne Sud. Et là, nous sommes donc sur la forteresse à Port-Louis pour évoquer à la fois l'invention de Lorient, de cette ville Lorient, L'O-R-I-E-N-T, et puis cette fameuse Compagnie des Indes qui a créé cette cité portuaire à partir du moment où Colbert décida donc de sa création en 1664. Alors pourquoi avoir choisi Port-Louis ? Parce qu'on le sait, on va en rediscuter, on va y revenir. La Compagnie des Indes va ensuite s'installer de l'autre côté de la rive. Elle va rester très peu de temps finalement ici à Port-Louis. Alors en fait, la citadelle sur laquelle nous sommes, elle existe au moment de la décision d'implanter le chantier de la Compagnie des Indes, donc sur le lieu dit Orient. En fait, il faut se replacer au début du règne de Louis XIV, qui a une politique de puissance qui s'exprime de deux manières, qui sont indissociables. L'expansion économique, ce sera avec des compagnies à monopole, et la force militaire, ce sera avec une marine spécialisée. Or, les deux sont complètement liés. Ce qui veut donc dire que la monarchie a engagé des enquêtes sur le littoral atlantique pour repérer des sites pour installer un port arsenal. Et lors des enquêtes de 1663, 64, 65, il y a une expertise, c'est Colbert du Théron et Clerville qui viennent sur Port-Louis et qui, en fait, font une expertise mitigée qui fait d'ailleurs que la marine choisira Rochefort. Mais on sait que la compagnie est créée en 1664, mais Lorient n'est que retenu qu'en 1666, ou plutôt, je veux dire, le lieu-dit du Fawedic. Ce qui veut donc dire que c'est un choix de recours, c'est pas un choix premier. Ils se sont rabattus sur ce site. Alors, quel est en fait l'intérêt du site ? D'abord, on s'aperçoit que c'est extrêmement étroit, c'est-à-dire qu'on est dans une rade qui est difficile d'accès. D'autre part, on voit qu'il y a une protection avec les îles, là, on voit très très bien Groix, mais il y a également Belle-Île, il y a également Ouatt et Dyck. Donc, en fait, c'est un site protégé, ce qui est donc un atout important. La deuxième chose, c'est dans la perspective d'armement vers l'océan Indien, on sort directement sur l'Atlantique, ce n'était pas le cas du Havre, dans la mesure où la Manche était de plus en plus une mer anglaise. Mais surtout, il faut comprendre quel était l'objectif en 1666. Il n'y a pas de programme urbain, Il n'y a pas de programme vraiment portuaire. On veut simplement un chantier de construction navale. Or, on est relativement proche de Nantes, qui a le plus vaste arrière-pays capable justement de drainer des matières premières et des produits pour les cargaisons. Et en plus, sur la route des gros porteurs qui viennent de la Baltique et qui, en fait, viennent apporter le bois, le fer, le chanvre sur Nantes et sur Bordeaux. Donc, en fait, le site est aussi bien placé pour pouvoir être approvisionné en matières premières. Donc, on n'est pas dans la logique d'une création d'une ville-port. Ce sera une grande surprise par la suite. C'est au commerce de l'Inde que la ville doit sa naissance. On a vu des habitants de toutes les provinces du royaume venir s'y établir. Tous y ont trouvé l'heureuse ressource de subsister en s'attachant d'une manière quelconque au service de cette compagnie. Mémoire des édiles lorientais. Si on s'avance un petit peu justement pour avoir une vision sur le futur site de la compagnie, de la seconde compagnie perpétuelle des Indes. Hein. Là, en fait, on est avec à l'origine une compagnie des Indes orientale. Et en 1719, on sera avec une compagnie universelle. Ce qui d'ailleurs permet de poser la question de est-ce que l'Orient est un port colonial ? En fait, on va dire qu'on peut répondre de plusieurs manières. D'abord, c'est un port du commerce des Indes. Ça, c'est clair. Il y a eu au total 3 compagnies et non pas une. 3 compagnies avec 2 intermèdes de commerce libre ou du commerce privé. Donc la première compagnie dite de Colbert jusqu'en 1703-1704. 1719-1720, c'est la compagnie de l'eau qui dure 50 ans jusqu'en 1770. Et là, on est avec une compagnie qui va marquer définitivement l'empreinte lorientaise. Et puis il y aura la troisième compagnie de 1785 de Calonne, mais qui est purement spéculative et qui est une confiscation par un groupe financier des activités coloniales. Mais en fait, ces compagnies, on les présente comme des compagnies par action. C'est vrai et c'est pas tout à fait ça. Parce qu'en fait, le modèle, c'est la compagnie hollandaise. Sauf qu'en réalité, la première compagnie, c'est une administration d'État, 75% à capitaux royaux ou curiaux. La seconde compagnie, elle est plus une compagnie par action, mais les actions ne sont pas en fait calquées sur les résultats de la compagnie. On est avec des actions rentières. La troisième compagnie sera plus une compagnie classique. Et entre-temps, eh bien, progressivement, le monde négociant qui avait boudé la première va en fait revenir dans ce commerce de l'Inde pour véritablement s'épanouir entre 1770 et 1785. Brigitte Nicolas, conservatrice en chef du musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis. C'est vrai que les compagnies des Indes s'inscrivent dans le temps long, dans une histoire pluriséculaire qui trouve ses premières formes avec ses routes terrestres de la soie, mais aussi des épices, les routes de l'encens et plus tard des routes de porcelaine. Donc nous sommes ici devant une statuette de la dynastie Tang. La dynastie Tang correspond à la grande période de la route de la soie. Et donc ce chameau qui est présenté dans la grâce de sa démarche lente, alors il a la tête un petit peu penché en arrière, il montre ses dents, on voit bien le caractère un peu colérique de l'animal, et surtout il est batté, c'est-à-dire qu'il porte des marchandises de nécessité, pichets, toiles, couvertures, destinées à lui permettre de réaliser cette longue marche de près de 7000 km qui reliait la Chine jusque la mer Noire ou les bords de la mer Méditerranée. Donc ce chameau qui est appelé le vaisseau du désert, c'est lui qui sera remplacé plus tard par les vaisseaux maritimes, une fois que les Portugais vont découvrir ou trouver le moyen de naviguer entre l'Europe jusqu'en Inde. C'est Vasco de Gama qui arrivera en Inde en 1498. Alors c'est vrai que très tôt, finalement, les Européens ont été fascinés par les produits qui arrivaient de ces territoires éloignés et inconnus. Donc on trouvait bien sûr les porcelaines, les épices, Corse, bien entendu, la soie qui a donné son nom à ces routes, mais aussi des perles de Ceylan, le café d'Arabie, l'ambre. Toutes ces marchandises voyageaient d'est en ouest, et l'ouest aussi expédiait certains produits, notamment de l'Afrique partaient des peaux, l'ivoire, des plumes. De l'Europe partaient des armes, des produits manufacturés, des objets d'art. On trouve toutes ces marchandises qui voyageaient ainsi entre l'Est et l'Ouest. Et on peut dire que les Compagnies des Indes, c'est un avatar moderne des anciennes routes de la soie. D'ailleurs, Richelieu avait à un moment pensé relancer les routes de la soie. Mais avec la prise de Constantinople, bien avant finalement, la route était bloquée par le monopole des commerçants arabes. Et les Portugais vont trouver le moyen, en fait, de s'émanciper de ce monopole de commerce en découvrant le passage du Cap de Bonne-Espérance et en allant jusque l'Inde. Ça préfigure donc les politiques coloniales et de protectorat aussi, d'une certaine manière, Brigitte Nicolas, parce que des comptoirs vont s'installer, se concurrencer aussi, puisqu'on va le voir après les Portugais, ce sont les Anglais et les Hollandais qui vont fonder leur compagnie maritime. Absolument, c'est vrai que ce commerce d'Asie fait des envieux, et les Hollandais, à travers quelques marchands, vont, en 1595 pour être précis, expédier des premières expéditions, c'est Cornelis de Houtman et puis Linschoten, vers les îles aux épices. Donc ces initiatives privées de certains marchands, qu'ils soient anglais ou hollandais, vont aboutir à la création des Compagnies des Indes au tout début du XVIIe siècle. On est bien avec un commerce de l'Inde. Est-ce que l'Orient est quand même un port colonial ? En fait, la première Compagnie des Indes a abandonné dès 1668 le modèle colonial avec Madagascar. Et il fallait inventer autre chose. Et on est allé chercher un Hollandais, Caron, pour essayer finalement de dupliquer le modèle hollandais, parce qu'on ne savait pas faire. La seconde compagnie, comme elle est une compagnie universelle, elle récupère en fait des héritages. La compagnie Crozat, qui exploitait la Louisiane et l'Orient, a donc transporté des populations pour peupler la Louisiane. L'Orient est devenu le quatrième port négrier entre 1720 et 25 parce qu'il a repris le monopole de la traite. Il n'a pas su faire, il a abandonné. Il y a une dimension coloniale qui va durer beaucoup plus longtemps, c'est celle des Mascareignes. Puisque là, on est avec un modèle à la antillaise, il faut dire donc franchement les choses, avec une minorité de colons et puis trois quarts de population esclave, avec des plantations de café. Mais l'Orient est plus à la tête, en fait, d'un réseau de comptoirs sur les côtes d'Afrique, entre le Sénégal et la Guinée, dans l'océan Indien, que ce soit de Surat, si vous voulez, jusqu'à Chandernagor, donc sur la côte du Malabar et puis de Coromandel. Et puis il y a le cas de Canton, qui n'est pas un comptoir, c'est un marché spécialisé sous contrôle chinois. Donc en réalité, ces comptoirs sont des comptoirs tolérés, négociés avec les puissances politiques locales, qui, bien entendu, font des pressions. Donc moi, mon idée, c'est que l'Orient, c'est d'abord un port qui est à la tête d'un réseau marchand entre l'Amérique qui fournit les piastres, qui fournit le sucre, l'Afrique qui, en fait, contre des tissus de l'Inde, fournit les captifs pour les Antilles, et puis l'Asie qui va fournir les boissons qui se boivent obligatoirement sucrées avec la porcelaine et qui fournit aussi les textiles. Donc on va dire que l'Orient est un port mondial marchand avec des participations coloniales, mais qui finalement ne constituent pas l'essentiel de son fonctionnement. Brigitte Nicolas, alors cette Compagnie des Indes, on a compris qu'elle ramène de nombreux produits, mais elle a aussi largement participé à la traite de captifs. Donc des vaisseaux qui partent de l'Orient, qui viennent sur les côtes du Sénégal, par exemple, entre autres, et qui revendent évidemment des esclaves dans les îles, notamment de Saint-Domingue, entre autres. Ça va devenir, je crois, alors le quatrième port négrier de France. Oui, il est même le premier, mais pendant un temps très court. C'est vrai que avec la refondation de la deuxième compagnie des Indes, le banquier John Law intègre dans cette compagnie différentes compagnies de commerce qui étaient déjà impliqués dans le commerce de traite. Et à partir de 1720, la Compagnie des Indes donc reçoit du roi le monopole de la traite de l'esclave. Et elle commence à armer des vaisseaux à destination de l'Afrique pour ce trafic. Et elle va l'exercer d'une manière monopolistique pendant 2 ans. C'est très court, hein, de 1723 à 1725. Donc il n'y a que les vaisseaux de la Compagnie française qui sont autorisés à partir pour ce commerce de traite. Avec des expéditions qui sont assez incroyables, avec des vaisseaux qui naviguent sur le fleuve Sénégal, des Africains qui seront ensuite déportés vers... 3 principales destinations, la Louisiane tout d'abord, hein, au début du XVIIIe siècle, puisque la Compagnie des Indes aussi a la gouvernance sur ce territoire, avant de la rétrocéder au roi en 1731, Saint-Domingue, hein, principalement, donc Haïti aujourd'hui, et puis les 2 îles dans l'océan Indien, qui sont ces escales sur la route des Indes, c'est-à-dire l'île Maurice aujourd'hui, et l'île de la Réunion à l'époque, l'île de France et l'île Bourbon. Et la Compagnie des Indes va armer 192 vaisseaux de traite, dont 152 en partance de l'Orient. Et on estime que ce sont au moins 57 000 Africains qui ont été déportés vers ces différents territoires. Alors ici, ce sont plutôt les marchandises de traite, c'est-à-dire que pour acheter les captifs, la Compagnie des Indes amenait des marchandises. C'était un système de troc et les marchandises principales qui étaient utilisées dans ce commerce de traite, ce sont les textiles indiens. Alors il y a bien sûr les armes à feu, là on aperçoit différents fusils de traite qui étaient de toute façon toujours inférieurs, je dirais, en qualité aux armes qu'utilisaient les Européens puisqu'ils voulaient conserver la supériorité militaire, je dirais, sur les différents tribus avec lesquels ils échangeaient. On a le fer, qui était extrêmement important aussi dans les échanges, les coris, qui servaient de monnaie dans différents territoires d'Afrique. Et je vous l'ai dit, ce sont les textiles indiens qui sont vraiment extrêmement importants pour ce commerce de traite. Et c'est en quoi la Compagnie des Indes tirait vraiment bien son épingle du jeu, puisqu'elle était installée en Inde, là où étaient produits ces textiles. Donc les vaisseaux l'orientaient finalement, certains allaient jusqu'en Inde pour prendre ces marchandises de traite qui étaient ramenées ici à l'Orient. Donc ces textiles, on peut le voir, hein, ce sont des cotons, des toiles rouges, on a des toiles bleues. Ces fameuses toiles bleues d'ailleurs ont donné l'habillement des hommes du désert, vous voyez. Donc voilà, ces marchandises arrivaient à l'Orient et repartaient vers les territoires africains, vers le Sénégal. On a des témoignages extrêmement intéressants dans les archives de la Compagnie des Indes de certaines expéditions de traite où on voit bien le processus, c'est-à-dire que le commis part avec des laptos, c'est-à-dire des militaires indigènes, un interprète, et va au-devant, je dirais, des suzerains. Donc il doit payer des taxes qui sont appelées le bonjour et il échange ses marchandises, donc ses toiles, ses coris. Et ensuite, il va arriver jusque le point où va pouvoir faire le troc. Et ce sont toujours ces toiles qui vont vraiment être majoritairement impliquées. Donc, une fois que les captifs sont pris par la Compagnie des Indes, ils rejoignent le littoral et puis sont ensuite expédiés vers Haïti, principalement, enfin Saint-Domingue à l'époque, et les îles de l'océan Indien. Et là-bas encore, la Compagnie des Indes va intervenir grâce à son commerce des textiles indiens, puisque on sait que l'habillement des esclaves, ça va être ce type de textile à carreaux ou à rayures, sachant que la Compagnie des Indes est seule autorisée à en faire le commerce pendant quasiment un siècle et demi. Donc finalement, les armateurs négriers qui ont récupéré une partie du monopole pour la traite humaine vont devoir venir à l'Orient pour acheter ces marchandises de traite, les coris et les textiles de l'Inde. Donc la Compagnie des Indes, elle est gagnante à tous les niveaux. Voilà. Gérard Le Boisdec, alors nous sommes, on peut dire à Lorient même, on est sur les rives du Scorff, là où va vraiment s'établir la Compagnie des Indes, avec tout ce que ça sous-entend, c'est-à-dire notamment avec son chantier de construction navale. Du coup, on est sur le site de Naval Group. Sur le site initial du parc de construction navale de la première Compagnie des Indes et de la deuxième Compagnie des Indes, le site étant repris par la marine à partir de 1770. Alors, quelle taille ont ces bateaux? C'est important de le dire. Et combien on en produit? Et combien de temps ils durent aussi? En fait, si vous voulez, les bâtiments qui sont destinés à l'Afrique ne dépassent pas les 300 tonneaux. Et avec le temps, le bateau type de la seconde compagnie, c'est plutôt 600 tonneaux. Mais progressivement, on va assister à une croissance des tonnages jusqu'à 900 et même 1200 tonneaux à partir de 1750 et sous la pression d'ailleurs un petit peu de la marine. Alors ça fait quelle dimension? Un 600 tonneaux, c'est entre 8 et 12 mètres de large et dans les 33 à 40 mètres de long. Et les plus gros, les 1200 tonneaux, c'est 55 mètres de long et puis 13-14 mètres de large. Enfin, ça donne une petite idée quand même de ce que nous on appelle les géants des mers, puisque c'est sur l'océan Indien que l'on avait les plus gros navires, beaucoup plus gros que les navires par exemple de traite ou des navires qui allaient donc vers les Antilles. Alors ces navires sont des navires quand même assez particuliers. Il faut comprendre que ces bateaux sont des bateaux armés. Ils doivent assurer leur propre défense. Donc ça veut dire qu'il y a des canons à bord. Ils ont des gros équipages. Il faut généralement, pour 100 tonneaux, 20 hommes. Donc 600 tonneaux, ça fait 120. Et puis avec les gros, on dépasse les 200. Mais il y a des passagers. Voilà, il y a les passagers. Alors il y a les clandestins, mais il y a les passagers qui, disons, sont d'abord des personnels. Parce qu'une chose est très importante, on a dit qu'on était avec un réseau de comptoirs. On n'est donc pas avec un réseau de peuplement. Donc, en fait, dans les comptoirs, on n'a que des personnels, disons essentiellement de gestion de ces comptoirs. Mais il faut ajouter le transport des soldats, puisqu'il y a des garnisons dans un certain nombre de ces comptoirs, comme à Pondichéry, Chandernagore, qui sont devenus des villes. Ce qui veut donc dire aussi qu'il faut beaucoup de vivres. Parce que le voyage, il va durer 18 mois à 2 ans. Vous savez que le bateau part avec des vivres secs, mais aussi des vivres vivants. Il faut s'arrêter, alors c'est essentiellement à l'île de France, qu'il y a une escale pour pouvoir en fait faire le plein d'eau et puis de nourriture complémentaire. Il y a aussi une cargaison. Mais la cargaison, contrairement à ce que l'on pense, c'est pas une cargaison vraiment de marchandises. Pourquoi? Parce que finalement, les Asiatiques, eux, n'ont rien à faire des produits européens. Donc on part avec des coffres-forts de piastres. Donc tout ça coûte très très cher. Ce sont quatre maquettes en coupe du comte d'Artois. Et ce que l'on regarde là, c'est l'entrepont où sont logés les marins. Brigitte Nicolas. On voit également, en effet, les animaux qui servaient surtout à nourrir les officiers et certains passagers. Vous observerez qu'ils sont situés, ces animaux. Alors, ce sont des moutons, principalement, à côté des malades. Vous voyez un petit peu la notion d'hygiène que l'on pouvait avoir à cette époque, au XVIIe siècle. Alors, ces maquettes montre bien l'entassement à bord. Donc vous imaginez sur un vaisseau qui, là, on peut supposer qu'il mesure 50 mètres de long, on a à peu près 200 hommes d'équipage, il peut y avoir une vingtaine, une trentaine de passagers, et parfois, en temps de guerre, on pouvait rajouter des soldats à destination, pourquoi pas, de Pondichéry. Donc on avait parfois un taux d'occupation à bord qui était extraordinaire et qui n'augurait pas de conditions de navigation forcément des plus optimales. Donc on voit bien la façon de vivre de chacun. Par exemple, ici, on aperçoit la chambre du capitaine où sont réunis des officiers et puis certains passagers pour un repas. On voit par contre que les marins sont eux ici en train de partager une gamelle commune. Et on voit sur le pont au niveau supérieur les passagers qui se promènent. On voit des femmes puisque la Compagnie des Indes avait pour mission aussi d'amener les différents colons en fait dans les territoires dont elle avait la gouvernance, notamment les îles de France et de Bourbon, c'est-à-dire la Réunion et l'île Maurice aujourd'hui. Et donc, dans la cale, Brigitte Nicolas, on voit aussi alors tout le matériel nécessaire, et notamment les cordages, du bois également. Oui, alors en fait, là, c'est la cale où sont stockées toutes les marchandises, les futailles à eau qui sont à l'avant, hein, là, qu'on aperçoit dans les barriques. Le bois qui est destiné à cuisiner, en fait, puisqu'on a un four, ce qui était d'ailleurs le plus grand danger à bord des vaisseaux, l'incendie. Mais il fallait bien alimenter le four, donc on a tout ce bois de chauffe, en fait. Les cordages, qui sont extrêmement nombreux, qui disputent une partie de la cale aux marchandises, qui servent déjà à alimenter une partie de l'équipage. Hein. On peut apercevoir des fromages. On apportait beaucoup de fromages de Hollande, parce que ça se conservait très bien, et les marchandises qui étaient destinées aux différents comptoirs, puisque on amenait en Inde pour être vendues certaines toiles, mais aussi du fer, et on apportait aussi beaucoup de vin, parce que les comptoirs réclamaient une part importante de vin qu'on aperçoit dans les barriques un petit peu plus loin. L'inquiétude est grande face aux vols et assassinats qui sont commis à l'Orient, à tel point que les braves gens ne peuvent plus sortir la nuit sans être exposés aux excès des matelots et d'une multitude d'étrangers qui hantent les lieux les plus infâmes, dans les cafés et tavernes, à toute heure de la nuit. Les étrangers se croient affranchis de la contrainte des lois et dont le caractère féroce et destructeur ne saurait s'accoutumer à la douceur d'un gouvernement policé. Le Sénéchal de l'Orient, 1782. Ce chantier, il va employer jusqu'à 4000 ouvriers. Gérard Leboisdec. Et 25 à 30 000 navigants ont été utilisés. Donc on est avec une ville qui s'est peuplée par immigration. C'est aussi un vrai sas, parce que les gens qui arrivent ne restent pas. Disons, ceux qui se marient, on peut les comptabiliser, mais ceux qui ne font que passer, ceux-là, on ne les voit pas. Donc c'est une ville aussi quand même très très particulière, avec une population flottante importante. Jeune et masculine. Jeune, masculine, célibataire. Et effectivement, il y a beaucoup de... C'est la caractéristique. C'est vrai aussi pour les soldats, qui ne sont là qu'un certain temps avant d'embarquer, ou lorsqu'ils reviennent en fait des Indes. Donc ça constitue, si vous voulez, la base de la pyramide socio-professionnelle et sociale de l'Orient, des ouvriers, des marins et des soldats. Alors là, on est en bordure du bassin 1, qui est le premier bassin qui a été construit au 19e siècle et qui a été construit sur l'une des cales initiales de la compagnie. Et tout cet espace jusqu'au bassin 3, qui se trouve donc en face de nous, constituait en fait le parc de construction. Et il faut venir sur le site aujourd'hui pour mesurer la dimension de ce parc de construction. Donc c'est des bassins qui font jusqu'à 220 mètres de profondeur. Bien entendu, les cales étaient moindres puisque les bateaux faisaient au maximum 50 mètres de long. Mais les cales sont des cales définitives. Elles sont aménagées entre 1734 et 1737. Alors c'était intéressant de voir comment c'était organisé rationnellement, puisque vous aviez les cales. Vous aviez tout autour des cales les ateliers, donc des charpentiers, des menuisiers, les étuffes pour plier les bordages qui étaient placés donc sur la coque. Donc à ce moment-là, on construisait ici. Gérard Leboisdec, ces bateaux ont une durée de vie entre 10 et 15 ans, ce qui Absolument. Explique aussi le fait qu'on en construise régulièrement. Il faut en construire régulièrement. En fait, effectivement, 10-15 ans avec des radoubes. Souvent entre des voyages pour leur permettre en quelque sorte de continuer. C'est vrai qu'il y avait un gros problème, ce sont les tarets, c'est-à-dire ces vers marins qui attaquent la coque. Alors on a essayé d'y répondre par différents moyens en protégeant la coque. La meilleure solution, c'était en fait le doublage en cuivre, mais ça interviendra très tardivement. Donc effectivement 10-15 ans, et on sait qu'un certain nombre de bateaux quelquefois finissaient leur vie en Inde. Alors ces bateaux avec trois grandes destinations, il y avait les Mascareignes, c'est-à-dire Bourbon-Île-de-France, l'Inde, donc l'ensemble des comptoirs, et puis Canton, donc en Chine. Avec un départ qui se faisait toujours entre l'automne et puis le début du printemps, et les retours qui devaient se faire fin du printemps et puis au moment de l'été. Donc, bien entendu, tout ceci rythmait un petit peu la vie. Et puis, alors bon, vous l'avez évoqué, il y a cette avance nécessaire d'argent, en fait. Effectivement, il y a le bateau, il y a l'amortissement du bateau, il y a l'armement, il y a les cargaisons, il y a les vivres, et puis il y a également les soldes. On donne à l'équipage une avance de 6 mois, et ensuite, il y a pour les familles, les mois des familles qui sont versés pour permettre aux familles en quelque sorte d'attendre les retours. Et effectivement, tout perte de bateaux est une catastrophe parce que ça fait plusieurs millions qui vont par le fond. Donc c'est vrai que c'est un commerce. Il y a un profit, mais on voit bien que l'une des difficultés qui pèsent sur les compagnies, c'est qu'elles ne sont pas que des compagnies de commerce, puisqu'on a vu qu'elles doivent assurer le fonctionnement, la gestion, les fortifications et la défense des comptoirs, ce qui coûte. C'est pour ça que quand les Malouins ou le commerce libre fait beaucoup de profits, ce sont des époques où ces armateurs privés n'ont pas à prendre en charge le fonctionnement des différents comptoirs où ils vont. Donc si vous voulez, effectivement, à partir du moment où une compagnie a une délégation de puissance publique, ça lui coûte de l'argent et la plupart des compagnies se retrouvent endettées. Ça a été le cas de la seconde compagnie, sans compter bien entendu l'attaque de ceux qui sont partisans d'un commerce libre et qui luttent contre le monopole. Mais la compagnie, effectivement, a là des coûts de fonctionnement, des coûts fixes qui sont extrêmement lourds. Gérard Le Boisdec, alors nous avons descendu la colline du Fouédic. Et puis, nous sommes sur les quais, quai de Péristyle, quai de déchargement, et proche de l'ancien magasin, parce qu'il fallait décharger tous ces objets venus des Indes et les entreposer. Alors, ça nous donne une idée aussi de la superficie à la fois du magasin et de ce fameux quai, donc au bord du Scorff, toujours nous sommes. Tout à fait. Donc, nous sommes au bord du Scorff. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur le débarquement. Parce qu'on a des comptes rendus d'arrivée de bateaux où on a l'impression qu'il y a beaucoup d'agitation autour des bateaux. Et ce n'est pas du tout parce que certains veulent revoir en fait leur mari, leur frère, leur père. C'est essentiellement pour essayer un petit peu de cacher des sorties de pacotille. Ah oui, ça c'est une évidence. Parce qu'en fait, la rémunération des hommes d'équipage était une solde. Et il y avait pour l'équipage, tout l'équipage, des petits ports permis. Alors le petit port permis, c'était le droit de ramener des produits des Indes pour son usage personnel ou familial. Sauf que bien entendu, cet usage personnel et familial avait pris une ampleur et que la moitié à peu près des hommes d'équipage, c'est ce qu'a montré Eugénie Marioline Plot, en fait, avaient une liste de courses à faire, avaient des financements, qui étaient d'ailleurs des financements de prêt à la grosse, qui permettait avec plusieurs milliers de livres d'acquérir en Inde des produits qui ensuite étaient revendus. Et souvent, ceux qui en fait étaient les revendeurs étaient des marchands qui bien entendu attendaient le retour des bateaux pour pouvoir en fait aussi participer d'une certaine manière au profit du commerce des Indes. Donc il y avait ce premier problème. Ensuite, bien entendu, on sortait l'ensemble des marchandises, donc on a rappelé les 5 ou 6 produits clés, qui ensuite, sous contrôle des personnels de la compagnie et de la ferme, était donc rangé dans ce magasin des Indes. Alors ce magasin alors, est remplacé par un bâtiment moderne, bien sûr. Alors combien de mètres carrés à peu près, Gérard Le Boisdec, pour en fait, si vous voulez, il faut comprendre que c'est pour ce magasin que la compagnie est entrée dans un grand programme d'investissement. On a vu qu'elle a abandonné, je dirais, la dimension coloniale des années 20 pour se recentrer sur l'océan Indien. Et elle a décidé à partir de 1731, c'est la réforme Horry, de tout concentrer sur l'Orient. Donc l'Orient construit, l'Orient arme, désarme, mais jusqu'alors elle n'avait jamais fait les ventes. Les ventes étaient à Nantes, et donc la décision c'est d'organiser à partir de 1734 les ventes à l'Orient, sauf qu'il n'y a pas les infrastructures. Donc la pose de la première pierre de ce bâtiment le 1er septembre 1733, c'est le début d'un programme d'investissement de l'ordre de 6 millions pour ériger ce bâtiment. Alors c'est un bâtiment sur 3 niveaux, c'est un bâtiment carré, pratiquement, et à l'intérieur, une enceinte pour le stockage en fait, des marchandises qui sont achetées. Et en 1732, la compagnie s'est adressée à Gabriel, qui fait partie des grands architectes versaillais, et qui en fait est accompagné de Louis de Saint-Pierre, qui est un des architectes de son cabinet, et de Guillois, qui lui plutôt relève du cabinet Ardoin Mansart. Et ces deux personnes vont en fait être les constructeurs de la cité marchande de la Compagnie des Indes, qui est la seule construite en dehors, disons, de Marseille, qui relève de la Chambre de commerce de Marseille, mais la seule construite donc en France. Et le bâtiment, disons, de priorité, c'est ce magasin des Indes, où donc les marchandises, une fois qu'elles étaient sorties du bateau, étaient mises donc dans des caves, hein, puisque tout ça, ce sont des galeries, mais des caves, avec fermées, avec deux clés, la clé des fermes, la clé du directeur de la compagnie, en attendant, bien entendu, que les ventes soient organisées, donc entre la deuxième quinzaine de septembre et puis octobre. C'est de la ville de Tranquebar et de la côte de Coromandel que viennent les plus belles chites et autres toiles rayées et à fleurs dont on voit une si grande abondance en France. La plus fine toile vient du Bengale, que l'on met en ouvrage à Masulipatam, où l'on mesure les étoffes à coudées ou à brasses. Une pièce d'étoffe rayée ou à fleurs de 15 ou 16 coudées n'y coûte qu'un écu. Un bon matelas d'ouate, qui vaudrait en France 20 écus, n'en vaudra que 2 à Tranquebar. Une belle robe de chambre à fleurs très fine, 40 sols. Une brasse de très belle toile et très fine, 5 sols. Voyage de François de Lestra aux Indes orientales, 1671-1675. Alors les indiennes, qu'est-ce que c'est ? C'est une toile de coton. Le coton, c'est une plante qui est originaire de l'Inde, que les Indiens ont appris d'une manière empirique à tisser. Enfin d'abord carder, filer le coton et tisser. Donc ils obtiennent une toile très plane qui permet d'aller dessiner des motifs colorés. Alors, deux couleurs principales, le rouge de la garance, hein, obtenu avec cette racine, et le bleu qui provient de l'indigo. Alors, ils ont découvert, les Indiens, là aussi d'une manière empirique, deux techniques. Le mordansage, qui permet de fixer la couleur au cœur de la toile de coton. Au contraire du mordansage, ils ont découvert le principe de la réserve. C'est-à-dire que pour obtenir les bleus, il faut plonger la toile dans une cuve d'indigo, mais là où vous ne voulez pas de bleu, il va falloir mettre une réserve, donc une réserve de cire qui va protéger le reste de la toile. Et cette réserve de cire, une fois qu'on a passé la toile dans la cuve d'indigo, elle sera ôtée ensuite par bouillissage. Or, en Europe, ces techniques sont méconnues, alors commencent à être, je dirais, apprivoisées finalement à la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle, mais ne seront appliquées de manière maîtrisée que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et c'est ça qui fait l'avantage de ces textiles indiens dont l'Europe s'entiche. Parce que, vous voyez ici, on a une tenture d'indienne avec des motifs de grosses fleurs à plumes. C'est très exotique, c'est très coloré, c'est gai, c'est hygiénique, car facilement lavable, puisque on savait mettre de la couleur sur des étoffes en Europe, mais au premier lavage, tout partait. C'est vraiment l'impression grandin, si vous voulez, qui est intéressante dans ces indiennes de l'Inde. Et voilà, l'Europe va en devenir complètement dingue, il n'y a pas d'autre mot. Et de manière très, au niveau du pouvoir royal, hein, même, oui, qui va lancer, il va y avoir une mode. Oui, oui, alors il y a certains auteurs qui se sont un petit peu moqués en disant que les Indiennes, à un moment donné, gagnent du galon et passent de tapis, elles montent sur le dos des dames, enfin j'ai plus la phrase tout à fait en tête. Donc ces Indiennes sont vraiment une des marchandises que la Compagnie des Indes va commencer à commercer dès qu'elle peut finalement faire revenir des vaisseaux de l'Inde dans les années 1670. Et cet afflux de textiles indiens contrarie les producteurs européens de lin, de chanvre, de laine, qui vont y voir une concurrence déloyale, puisque c'est la Compagnie des Indes et qu'elle a des privilèges, elles vont payer que 3% de douane à l'arrivée dans le royaume. Et ces indiennes, elles vont être finalement frappées de prohibition pour protéger les producteurs français. Donc de 1686 à 1759, il y a une prohibition qui devient de plus en plus dure d'ailleurs dans les années 1720, qui interdit à la fois la vente de ces indiennes, le port des indiennes, qui peut être puni de galères perpétuelles hein, dans certains cas. Les femmes sont marquées au fer rouge si elles en portent. Et on va aussi interdire la fabrication, le développement de l'indiennage français pendant trois quarts de siècle, qui vont finalement plonger la France dans un retard proto-industriel important. Les indiennes continueront à circuler via la contrebande qui est alimentée beaucoup par les vaisseaux de la avant tout par les vaisseaux de la Compagnie des Indes, mais aussi par le marché anglais, hollandais. Et finalement, la Compagnie des Indes va être autorisée à commercer seulement les étoffes de coton blanc. qui vont servir à beaucoup de choses d'ailleurs, hein, à faire des langes pour les enfants qui sont encore utilisées aujourd'hui. Ce sont des toiles, l'armure simple, croisée, toute simple. Ça, c'est un coton de l'Inde qui perdure aujourd'hui. Voilà. Mais ce sont ces magnifiques indiennes. Alors, on en aperçoit une qui est très belle ici. C'est ce qui s'appelle un palimpore, qui sert à faire des couvre-lits ou des grandes tentures qui étaient inscrites dans des boiseries. Donc, celui-ci est très caractéristique de ce que pouvaient produire les Indiens pour les compagnies des Indes. Alors, il a le fameux arbre de vie, qui est vraiment le motif récurrent de ces grandes pièces d'indiennes, avec une bordure, avec, vous voyez, des petits rubans qui sont tout à fait caractéristiques de la décoration française sous l'époque de Louis XVI. Donc là, on peut se dire que ce palimpore, il n'a pas été fait pendant la Prohibition. Là, on est forcément sur une commande européenne, parce que les Européens ont très vite amener leur modèle à reproduire pour mieux vendre, surtout, leur production. Donc ça, oui, c'est typiquement une indienne. C'est l'objet métissé. Voilà, on est là tout à fait. On a une technologie asiatique, indienne, là, et un dessin qui relève de toutes les cultures, parce que l'arbre de vie, il existe dans la culture européenne, il existe dans la culture persane, hindoue. C'est pourquoi il a tant de succès, d'ailleurs. Par contre, on a une symétrie qui est recherchée, quelque chose d'aéré, qui correspond tout à fait aux critères esthétiques de la deuxième moitié du XVIIIe siècle français. Nous sommes maintenant devant l'hôtel des ventes, hein, Gérard Le Boisdec. Alors on a remonté la colline du Fruidic, on venait du Péristyle, et puis voilà, on est devant cet hôtel de vente. Alors la première pierre a été posée à quand ? Alors c'est en 1742 que l'hôtel des ventes va être construit, mais en fait il n'a jamais été achevé. Vous avez deux ailes, l'aile de droite c'est là qu'avaient lieu les ventes et on va en parler, et puis l'aile de gauche était en fait l'aile des services et des bureaux. Et en fait, ces ailes ont été restaurées parce qu'elles avaient subi les dommages de la guerre. Et elles ont servi, en fait, à la direction de la marine. Donc, il y avait l'amiral d'un côté, le major de l'autre. Et aujourd'hui, ces deux bâtiments abritent les archives municipales et puis le service du patrimoine. Alors, on va reprendre la suite après le magasin des Indes. Donc, les marchandises sont en magasin. Alors les services de la Compagnie des Indes informent les négociants qui viennent aux ventes de l'année, car ces ventes n'ont lieu qu'une fois par an. Les marchandises sont vendues aux enchères. On vend d'abord le thé et le café, ensuite on vend les épiceries, après on vend tous les produits textiles, et dans les produits textiles c'est les textiles qui sont autorisés, les textiles qui sont prohibés. Alors ça dure longtemps. Ça dure entre 2 et 3 semaines. Alors, les meilleures ventes de la deuxième compagnie, c'est à partir de 1740 avec 20-22 millions à chaque vente. C'est une somme considérable. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. On est loin des Hollandais et on va être distancé par les Anglais. Mais enfin, c'est quand même pour mettre l'accent sur l'importance des fonds. Alors, le problème, c'est que ce sont des chiffres millionnaires, mais on n'a pas à Lorient des marchands millionnaires comme Bordeaux ou Nantes. En fait, Lorient, c'est un sas. C'est un sas parce que les gens bougent beaucoup, c'est la mobilité, ça rentre, ça sort, l'argent pareil. Hein. Alors, il y a 70 à 80 marchands qui viennent participer, négociants, qui viennent des principales villes, ou bien alors qui, en fait, donnent des pouvoirs à d'autres marchands. On voit beaucoup les Parisiens, les Nantais, les Malouins, les Lorientais, qui sont souvent, d'ailleurs, défondés, donc, de pouvoir. Et c'est un moment véritablement fondamental. Alors, dès que vous avez remporté une adjudication, on vous donne un reçu, et vous pourrez vous faire livrer qu'à condition de payer comptant, ou alors de payer avec une lettre, et on vous indique dans le document la liste des villes sur lesquelles vous pouvez tirer des lettres de change. Villes françaises et une dizaine de villes étrangères. Voilà comment ça se passe. Alors c'est un moment aussi, je dirais que c'est le sommet de la saison à Lorient. Les hôtels sont pleins, vous avez quand même une élite qui s'est élargie d'un seul coup avec la présence de ces négociants français et étrangers. C'est la grande époque aussi où il y a du théâtre, car à partir de 1750, il y a une sorte de saison du théâtre qui correspond à la période des ventes et puis des premiers armements donc de l'automne. Les boutiquiers qui sont liés au trafic de pacotille font des affaires. Donc, en fait, l'Orient, c'est ça. L'Orient, c'est à la fois le rythme de départ et de retour des flottes, et puis, ce sont les ventes. Alors, Brigitte Nicolas, beaucoup de porcelaine, de vaisselle, vont être ramenées, mais avant tout fabriquées, produites en Chine. Alors, c'est vrai que ce qui intéresse les Européens, depuis que la porcelaine de Chine a été inventée par les Chinois, probablement, alors d'une manière, depuis des millénaires finalement, mais la porcelaine telle qu'on la connaît, elle est inventée au XIVe siècle pour les bleus et blancs, tels que nous les avons sous les yeux. Les Chinois conservent le secret de la fabrication de la porcelaine jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, les Portugais vont être les premiers à en importer. Alors, on aperçoit un des modèles que les Portugais importaient au début, c'est ce qu'on appelle une craque du nom des vaisseaux portugais, les caracs. Donc, les Chinois ont mis au point des fours, et notamment dans la ville de Shintoshen, qui ont permis de fournir quasiment toute l'Asie, mais aussi l'Afrique, parce qu'on va trouver des porcelaines de cette nature sur la côte de l'Est africaine, et puis l'Europe. Enfin, ils ont une fabrication quasiment industrielle. Il faut imaginer que lorsque le père d'Entrecolle visite Shintoshen au XVIIIe siècle, il y a 1 million d'âmes qui travaillent pour la fabrication des porcelaines. Donc les Portugais, voilà, importent ces premiers bleus et blancs. C'est ce qui a le plus de succès. On les intègre facilement dans les intérieurs. Alors au début, quand ils vont arriver, je dirais, d'une manière encore modeste, les aristocrates vont les accumuler dans des cabinets de porcelaine. Il va y en avoir partout. Sur les chambranles de portes, sur les dessus de cheminées. Et une fois que les compagnies commencent à en importer de plus en plus, eh bien, les exigences des Européens, des aristocrates, vont être plus importantes. On aperçoit ici notamment un plat qui montre bien, enfin on en a deux de la même veine, je dirais, qui montre l'évolution. Vous voyez, entre un plat craque où on retrouve exclusivement de l'iconographie chinoise avec des papillons, des petits rochers, un oiseau, des formes, je dirais, des motifs qu'on peut ne pas comprendre. Et là, on a à gauche, ici, sur un plat, la reproduction d'une gravure européenne qui représente la symphonie du luth et du tympanon. Donc on a une jeune femme qui est assise devant un tympanon et qui est vêtue à la manière dont les femmes françaises sont habillées dans les années 1680. Elle porte une fontange, notamment, comme coiffure. Alors, les personnages ont les yeux bridés. Et c'est ce qui fait le charme de ces porcelaines, donc faites pendant la période de Kangxi, pour l'Europe. Là, on a devant nous un autre plat qui montre une représentation d'une fontaine italienne. Donc on a toutes ces iconographies qui vont se modifier à partir du XVIIIe siècle. Et puis surtout, les formes aussi vont s'adapter aux usages des Européens. Ici, on a par exemple une petite aiguière qui rappelle les aiguières casques qui sont en usage notamment en Italie. On a des beurriers, voilà, par exemple, devant nous. Et je peux vous assurer que les Chinois ne savaient pas faire du beurre. On a des petites salières, poivrières. Donc ça, c'est typiquement des commandes européennes. Pour conclure, Gérard Le Boisdec, puisqu'on avance dans le temps et on est proche de la Révolution française, qu'est-ce qu'elle devient, cette Compagnie des Indes, au moment de la Révolution française? Alors, la troisième. On en est à la troisième. Si vous voulez, la création de la troisième Compagnie des Indes en 1785 ne passe pas bien. C'est le débat, si vous voulez, entre commerce libre et puis Compagnie des Indes. Et elle apparaît beaucoup plus comme véritablement à une confiscation du commerce des Indes par un groupe particulier, financier et industriel, avec notamment une présence forte des Suisses. Donc ça passe pas bien. En plus, si vous voulez, c'est à un moment où l'Orient voyait s'ouvrir ce qu'on appelle le front américain, parce que pendant la guerre d'indépendance américaine, l'Orient devient une des villes qui profite de l'ouverture vers les États-Unis, parce qu'on a aidé les insurgés. Alors on va avoir une amirauté, un consulat de commerce, une ligne transatlantique l'Orient-New York une fois par mois. Enfin, c'est quelque chose. Mais en réalité, l'Orient restera hanté. Et au XIXe siècle, on essaiera de créer... Enfin, d'obtenir, alors que c'est complètement irréaliste, je dirais des ersatz de Compagnie des Indes. Alors, au milieu du siècle, ça se sera à travers les lignes transatlantiques qui ressembleraient un petit peu, mais en fait, le grand commerce, on avait tourné la page complètement. L'Orient était en fait une ville de ce que j'appelle, moi, l'économie du privilège. Elle n'existait que par, finalement, l'obligation d'armée de revenir et de vendre à l'Orient. Et à partir du moment où il n'y avait plus cette obligation, il est bien évident que l'Orient perdait tous ses atouts, surtout qu'elle n'avait pas d'autres, elle n'avait pas d'arrière-pays. Et donc, qu'est-ce qui reste ? La marine militaire. Et donc, la marine militaire prend le relais, comme elle a toujours pris. Elle avait pris le relais, on avait vu, entre 1703 et puis 1719. Elle revient pendant les guerres dans l'arsenal. 1770, elle devient le propriétaire du territoire, mais se fait toute petite, pour permettre au commerce de l'Inde, à la troisième compagnie, au port franc de fonctionner. Le commerce de l'Inde se termine vers 1793-94, lorsque la guerre commence. Et finalement, l'Orient, pendant la Révolution et l'Empire, c'est avant tout un port de guerre. Mais en 1815, on n'est pas sûr de le garder. On se pose des questions, est-ce qu'il ne faut pas fermer ? Et c'est là que la qualité de l'immobilier cédé par la compagnie, parce que ce sont des vrais monuments, le fait que l'Orient a toujours rendu des services, et on revient sur le choix stratégique de 1666, fait qu'on garde l'Orient. Et quand vous gardez l'Orient et qu'il y a une révolution technologique du fer et puis de la machine à vapeur, ben vous devez mettre votre arsenal en phase avec les besoins, et cas un cas, ça fonctionne. Et ça fonctionne toujours. Merci à Gérard Leboidec et Brigitte Nicolas. Prise de son, Benjamin Chauvin et Philippe Mercher. Mixage, Julie Garou. L'Orient, ville-port mondial de la Compagnie des Indes. Une émission proposée par Séverine Liattard, réalisée par Séverine Cassard. Voilà, demain nous continuons notre série sur les ports et sur les espaces portuaires et nous discuterons de la place des ports européens comme lieu de départ et d'arrivée de migrants au 19e et au 20e siècle, des migrants qui pouvaient vouloir partir bien au-delà de l'Europe, aux États-Unis. Par exemple, c'est ce dont nous parlerons demain dans notre émission. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr, et également à nous suivre sur le réseau Twitter Fabrique FC, ou encore dans le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. À demain.